fait bien une vingtaine d'années que j'évolue dans un pays qui physiquement n'est pas le mien, mais que je porte dans mon cœur. Malgré cela, quand on me demande si je me sens français ou étranger, je réponds étranger, car le regard des autres sur moi me fait revenir ce que ma couleur est. L'existence d'un parti comme la FN me fait comprendre que je ne suis pas chez moi ici. D'autant plus vexant, car j'ai là tous mes souvenirs de vie. Et puis, mon grand-père a donné sa vie pour ce pays. Moi, j'ai pensé français, j'ai chié français, et j'ai eu droit au bras d'honneur français. Ce sentiment de rejet voit certains d'entre nous tendre les mains vers le communautarisme, oh putain. Les gens qui vivent loin de leur pays d'origine se sentent doublement obligés de se rattacher à leurs racines. À ma part, ne veulent pas que j'unisse mon existence avec une blanche. Je m'aperçois que le refus persiste des deux côtés. En moi, je porte deux cultures, mais je suis deux fois plus pénalisé. La France et le bled, je joue au ping-pong avec mon esprit. Et j'attends impatiemment la fin de la partie. C'est la ghettoisation des mentalités qu'il faudra anéantir. Mais faut pas se mentir, elle est pérenne depuis des générations. Et là c'est comme CNES, institution. Mes amis sont tous aveugles et on entend nos cœurs battre. Nos yeux ne guideront jamais nos pensées. Nos yeux ne guideront jamais nos pensées. Qu'est-ce que tu fais de tes valeurs, Kassim? Qu'est-ce que tu fais de ta culture, de ta religion? Hein? Écoute ta mère. Mais on est tes parents. On donnerait n'importe quoi pour toi. On pourrait tout faire pour toi. Tu es notre seul fils. Tu es notre avenir. C'est la dernière fois que je te le demande. Non, tu me demandes pas. Tu m'ordonnes. Comme tu as toujours fait avec moi. À des milliers de kilomètres de là, il y a des modes de vie qu'on ne soupçonne pas. Me revoilà face à mon pays d'origine, celui qui m'a confié à l'Occident, avant d'assurer ma survie, matériellement parlant. Ma famille que je ne connais pas, me prend déjà dans ses bras. Son rêve c'est de poser son pied sur le sol français. Non cousin, l'hexagone n'est pas une montagne d'or. C'est vrai, Dalloc pour survivre et encore. Pour le logement c'est un peu saturé, pour le taf fais des concessions sur ta santé. Avec ce discours je passe pour le français qui ne veut pas partager. L'Inde, cette société où chacun de tes gestes est conditionné, parce que les autres vont penser, c'est aussi la nation de toutes les contradictions. Ici ils font comme si le sexe n'existait pas, c'est pourtant eux qui ont inventé le Kama Sutra. D'un côté les femmes sont plus jamais asservies, de l'autre elles sont premier ministre de ce pays. J'ai vu ces enfants ayant le minimum de subsistance, garder le sourire avec une telle insistance. Ici bas on a du respect pour les vaches qu'on dit sacrées. À l'inverse des hommes rendent animaux sont relégués. Même aveugle on a pu inventer un système pour vomir sur autrui. Les castes abolies séviront toujours dans mon pays. Des hommes revendiquent leur infériorité. Je suis intouchable dans le sens qui peut vous arranger. J'ai souffert d'une crise identitaire toute mon enfance. Aujourd'hui, que ce soit en Inde ou en France, avec ou sans indifférence, j'avance pour ma convalescence. Vous pensez sûrement que l'Inde est bien inférieure à vous? Si je pensais vraiment ça, alors dites-moi pourquoi je voudrais acheter ce palace. Ah, vous croyez que c'est l'Inde, ça? Tout ce que vous voulez vendre, c'est l'Inde, mais surtout sans les Indiens. Mais c'est ce que les touristes viennent chercher ici. Du luxe et du confort avec des miettes de culture. Je ne veux pas que vous fassiez de l'Inde un parc à thème. L'Inde s'est débarrassée des impérialistes comme vous.